Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémozo 107 FM. Nous sommes le mercredi 15 septembre 2021, il est un peu plus de 14h, il est 14h01 même, c'est Chris, vous êtes dans Fréquence Libre, nous sommes en direct bien sûr, et pour cette nouvelle édition, je reçois dans nos locaux à Saint-Étienne-lès-Remiremont, Philippe Vallet qui est là pour nous parler de la nouvelle saison, entre autres de l'association La Langue de Travers. Donc bonjour Philippe. Bonjour, bonjour Chris, bonjour tout le monde. Comment ça va ? Est-ce que ça va aujourd'hui ? Oui, ça va bien aujourd'hui, parce que je suis devant un micro, donc ça fait que ça va un petit peu mieux aujourd'hui, parce que tu m'as invité, que bien c'est sûr. Pas souvent que les radios invitent, on va dire, de parler d'une association comme La Langue de Travers, et me donner l'occasion de faire le point en moi-même par rapport à cette association qui existe maintenant depuis, voilà, on va dire 7-8 ans. Ouais. D'accord. Et donc, nos auditrices et auditeurs sont habitués. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore, peux-tu te présenter en quelques mots ? Oh, quelques mots, c'est difficile. Quelques mots, eh ben voilà, on pourrait commencer par l'âge. Moi, ça fait 20 ans maintenant que j'anime des ateliers d'écriture au niveau professionnel. J'ai commencé donc dans les années 2000, et aujourd'hui, 20 ans, donc voilà, oui, ça fait 21 ans. Mes premiers ateliers d'écriture étaient au lycée Louis Lapique, et puis des ateliers associatifs au travers d'une première association qui s'appelait Le Cri de la Laitue, et qui s'est effondrée, comme quand vivent les associations, ben, y a des débuts, puis il y a des fins. Mmh. Et celle-ci s'est finie, et puis un an après, reprenait La Langue de Travers, qui porte aujourd'hui les ateliers d'écriture. Donc le Covid a changé un tout petit peu les choses. Bien sûr. Et donc il a fallu ralentir beaucoup. Hein, avant il y avait un atelier à Nancy, à Neuchâteau et à Épinal. Et là se prévoit un atelier essentiellement régulier à Épinal. D'accord. Et donc comme annoncé en introduction, tu es avec nous aujourd'hui pour nous parler de l'association La Langue de Travers, ainsi de la nouvelle saison qui a commencé, il me semble. Elle a commencé, oui. Donc en quelques mots toujours, car nous allons parler tout au long de cette heure d'émission. Peux-tu présenter l'association La Langue de Travers ? L'association, c'est ce qui est proposé pour participer de façon quasiment gratuite, parce que juste avec une adhésion. Donc ça, c'est le premier objectif, faire participer les gens et puis avoir une structure juridique qui permette effectivement de le faire. Donc c'est ça, donc un atelier mensuel pour 15 euros, les gens participent à tous les ateliers, il y en a 10 dans l'année. Et le premier était décalé sur Nancy, là, en septembre. Le prochain va être pendant le festival là-haut sur la colline à Épinal. Et le 9 octobre, au Centre culturel, qui est notre lieu d'animation d'atelier d'écriture, Centre culturel d'Épinal. D'accord. Donc j'allais te demander, depuis combien de temps tu fais partie de cette association ? Donc ça fait 20 ans. Ben, on l'a créé, en fait. D'accord. L'association, elle, est beaucoup moins longue que ça, effectivement. Donc dans ma vie d'animateur d'atelier d'écriture et d'écrivain, j'ai toujours souhaité avoir une association à mes côtés. Au début, c'était pour m'assurer un statut et pouvoir faire les factures et me salarier. D'accord. Et donc c'est là, en 2007-2008, que la première naît, et puis ça a duré 4 ans avec elle, et puis donc La Langue de Travers maintenant. Donc là, il y a une trentaine d'adhérents, et plus des sympathisants, on pourrait dire ça. Il y a un groupe de fidèles, comme là je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure, comme dans beaucoup d'associations, en fait un groupe de fidèles, 4-5, pour construire les ateliers ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui anime les ateliers de façon régulière, mais il y a 4-5 personnes qui préparent les ateliers, et une de ces personnes anime l'atelier qui a lieu effectivement mensuellement. D'accord, et donc dans cette association, tu es juste animateur d'atelier ou tu as un autre rôle ? Ah ben, je suis trésorier. D'accord. Ça, c'est les pesanteurs associatives, entre guillemets, bien sûr, qui nous obligent à le faire. Non, moi, on va dire que je suis essentiellement un animateur, mais un animateur chercheur, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche en permanence de développer ses ateliers, de proposer d'autres ateliers, et de travailler sa technique d'atelier, et de comprendre au travers des ateliers qu'est-ce qui fait ou pas qu'un atelier d'écriture devient un lieu de création ou pas pour les participants, quel que soit leur, et je vais mettre un mot entre parenthèses, quel que soit leur niveau. Je veux dire, il n'y a pas de... Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a absolument pas de hiérarchie, c'est-à-dire que quelqu'un qui écrit n'est pas meilleur que quelqu'un qui n'écrit pas. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui écrit, puis l'autre qui n'écrit pas. Ils sont des humains tous les deux, et ils ont des compétences quasi égales, sauf que quelqu'un qui écrit s'est entraîné à le faire, et que quelqu'un qui n'écrit pas n'est pas entraîné à le faire. Donc ça va être un petit peu plus difficile. Mais par contre, les résultats, pour quelqu'un qui ne participerait pas à l'atelier, il ne voit pas la différence, en fait. D'accord. On voit pas la différence entre un ado et une mamie. Pour moi, c'est tout ce qui sort de l'atelier est le mieux que ce que les gens peuvent faire à ce moment-là. Et pour le faire en maison de retraite et ailleurs, donc dans des endroits où les gens ont quitté complètement cet espace d'expression qui est la langue, les mots et leur usage, et leur maniement, et leur trouble aussi, hein, parce que c'est... Pour certains, c'est même la peur du trouble que les mots peuvent apporter qu'on ne se lance pas dans l'écriture, qu'on ne se lâche pas, effectivement, qu'on ne laisse pas aller, et qu'on essaye de contrôler. Et beaucoup d'ateliers d'écriture sont sous contrôle de l'animateur. D'accord. Et justement, pourquoi ce nom de la langue de travers pour l'association ? Ah ben la langue de travers, parce qu'on ne voulait pas être dans le fil... Dans le fil tout droit, quoi, effectivement. C'est-à-dire qu'on est en travers. La langue de travers, c'est une image rencontrée par moi, effectivement, à Paris, quand j'avais quelques années de moins, quand j'étais jeune, ou quand dans les boucheries, tu avais encore des têtes de veau exposées, avec une tête de veau avec la langue de travers, effectivement. Et cette langue de travers, il faut l'avoir un tout petit peu dans la bouche. Pour ralentir, on dit aussi tourner cette fois sa langue dans la bouche avant de parler. Bien sûr. Quand on l'a en travers... C'est difficile. C'est pas que c'est difficile. C'est que on peut toujours tourner la langue, c'est pas un problème, parce qu'on peut le faire mentalement. On la met en travers, ça ralentit encore. Donc c'est... Voilà, c'est pour penser la langue, pour écrire, il faut à la fois lâcher prise complètement, et puis se laisser aller. Et puis oser... Oser faire, effectivement. Alors la langue de travers, parce qu'on a effectivement une approche inhabituelle de l'atelier d'écriture qui est appuyée, on va dire, par une relation que j'ai moi depuis aussi longtemps que j'ai découvert les ateliers d'écriture avec le groupe français d'éducation nouvelle, où là on est un groupe au niveau français qui s'appelle le secteur écriture et poésie du groupe français d'éducation nouvelle, où on se retrouve régulièrement et où tous les ans il y a un ou deux séminaires de 2, 3 ou 4 jours où chaque animateur propose des animations en fonction d'une question. Par exemple, qu'est-ce que c'est que racine ou iceberg, hein, l'iceberg, tu sais, il y a une partie qu'on voit et puis une partie qu'on ne voit pas. Mm-hmm. Et on travaille dans l'atelier d'écriture avec le GFN, les parties qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qui se passe en dessous de l'atelier d'écriture ? Comment on fait pour qu'un atelier d'écriture libère ? Comment on fait pour que tout le monde puisse passer un atelier d'écriture et que tout le monde crée ? D'accord. Et non pas fait réplique ou voilà. Alors après, il y a plein de... Voilà. Comment on crée en atelier ? Et c'est vraiment la question. Et comme le langage est complexe, eh ben, le thème du mois de juillet qui a accueilli cette manifestation dans les Vosges au centre culturel cette année, donc il y a 25 personnes qui ont posé effectivement la question du complexe, parce que chacun, quand on lit un texte, il y a des sens différents. Et qu'est-ce qui fait que concret, qu'est-ce qui fait que l'atelier nous permet d'aborder le complexe sans avoir peur, quel que soit notre expérience, plutôt que de dire nos capacités, nos compétences, notre expérience et nos envies. D'accord. D'ailleurs, il est important de noter que même malgré, comme tu l'as dit tout à l'heure, les différents confinements que nous avons connus, l'association La Langue de Travers est restée quand même active pour, oui, je cite, « chercher à rompre le silence qui endeuille nos rencontres physiques, oser faire le pas entre écrans pour un bel effet de masse ». Fin de citation. Donc, quelles sont les valeurs de l'association La Langue de Travers ? Ah ben les valeurs, on pourrait parler déjà des valeurs humaines, parce que derrière ce que je viens de dire, il y a l'écoute, il y a la présence, il y a la totale acceptation de la différence. Dans l'atelier d'écriture, à Épinal est fréquenté par Gilles, qui se promène avec ses béquilles, puis qui travaille en institution, et qui a un statut d'handicapé, mais par 2 ou 3 autres personnes qui fréquentent régulièrement les lieux de la maladie mentale ou des choses comme ça. Et comment croiser effectivement des personnes qui ont envie, qui ont l'expérience, qui le font depuis longtemps, avec d'autres qui sont vraiment dans la panade, on pourrait dire, personnellement, socialement, voire quasi exclus, pour que ce soit la fête. L'atelier, c'est la fête pour moi aussi. C'est la fête des mots. Et quand ça se passe bien dans la fête des mots, eh ben c'est toujours un après-midi, parce qu'un atelier va durer entre 2h et 3h, un après-midi où on rit, où on s'amuse quasiment. Même s'il se passe des choses dans l'écriture qui peuvent être difficiles, dynamiques, ça n'a strictement rien à voir en fait. Mais les gens, voilà, les participants, quand ils écrivent quelque chose qu'ils n'arrivent pas à lire, très souvent, leur réflexe va être d'en rire, effectivement. Mm-hmm. Et pour moi, c'est un bon point. Un atelier où on ne rit pas peut être vraiment triste, en plus. Mais voilà, c'est un outil de socialisation aussi. D'accord. Donc, plus le groupe est différent, plus c'est intéressant pour l'animateur de jouer avec ces différences-là. D'en abuser quasiment, parce que c'est les différences qui vont porter l'atelier. D'accord. Ah oui, le. Plus c'est. Voilà. Alors, je fais aussi des ateliers en école. Il y a ma partie professionnelle et la partie associative. Et là, l'atelier. Enfin, disons, dans la partie associative, c'est surtout des adultes. Surtout des adultes, à part Neuchâtel, où pendant 3 ans, on a eu une jeune fille, et c'est pas beaucoup, et un garçon, qui était au lycée et au collège, et qui ont suivi l'atelier mensuellement pendant 2 ans. Mais c'est exceptionnel, effectivement. Généralement, c'est un groupe d'adultes, et plutôt au-dessus des 45-50 qu'en dessous. C'est générationnel. Quasiment générationnel aujourd'hui, oui. D'accord. Et également, en faisant des recherches, en préparant cette émission, j'ai eu l'occasion de lire que, pour l'association La Langue de Travers, les mots contaminent. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette expression, les mots contaminent ? Ah ben, les mots contaminent. Être contaminé par les mots, c'est... je veux dire, on pourrait imaginer que c'est un virus. Voilà. On pourrait imaginer que c'est un virus et que, pour certains... Et là, il y a des exemples, hein, avec notre secrétaire, par exemple, qui n'osait pas trop venir et qui était, voilà, et qui a fait donc un atelier, et ça l'a un petit peu bouleversé, quelque part. Et aujourd'hui, elle a pris des responsabilités dans la langue de travers, alors qu'au début, elle se sentait même pas capable de le faire. Et je pourrais dire ça de Gilles, je pourrais dire ça de Marie-Christine, je pourrais dire ça d'autres, effectivement, qui viennent régulièrement chaque fois qu'ils le peuvent, parce que, quand ils ont goûté à ça. Et là, il y a des personnes qui viennent depuis maintenant plus de 10 ans aux ateliers d'écriture. Hein. Ah oui. On a commencé les ateliers d'écriture à la médiathèque à Épinal quand elle était encore à la Roseraie. D'accord. Et là, il y en a eu un mensuel, donc c'est plus de 15 ans. Mm-hmm. Et il y a des personnes qui viennent encore. Pas forcément tous les mois, mais qui viennent très régulièrement et qu'on retrouve. Marie, par exemple, on la retrouve depuis plus de 15 ans. Alors que c'est une enseignante qui est à la retraite aujourd'hui et qui prend le temps. Effectivement, de continuer à fréquenter ce qui se passe dans l'atelier d'écriture. Dans nos ateliers d'écriture à la langue de travers, il y a souvent du collage, des couleurs, des pinceaux, des manipulations. Donc, pour ne pas dire art plastique, un petit peu. Mmh. D'accord. Voilà. Ok. Des travaux en duo ou en trio ou en collectif. Et que ces mots. Donc, c'est ça qui est contaminant, en fait. Mais quand je parle de contamination dans un texte, c'est le pouvoir de la poésie. Et pour pouvoir accéder à la poésie, l'atelier d'écriture en est le chemin. Plus on fréquente les mots, plus on arrive à entendre les mots dans tout leur sens. Et la poésie, c'est toujours un langage très concentré qui demande une présence à soi pour pouvoir être à l'écoute de ce que le texte dit. Et les textes poétiques, souvent, on peut les lire 2 ou 3 fois ou 4 fois, ils vont dire autre chose à chaque fois. Et c'est ce qui dérange aujourd'hui dans la poésie. Au-delà qu'elle n'est pas médiatisée, au-delà qu'il n'y a plus personne de connu aujourd'hui, à part Richard Rognier, qui habite pas loin, mais il est connu localement. Mmh. Au niveau national, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de grandes voix reconnues, hein, qu'on entendrait à la radio, par exemple. Hein. Il y en a plein en petit, parce que la poésie n'a jamais été aussi vivante aujourd'hui. Et un des outils de la langue de travers pour animer des ateliers d'écriture, c'est les livres de poésie. C'est la poésie en général. D'accord. Parce que souvent, ce qui sort dans l'atelier d'écriture, mais ça c'est dû à notre façon de l'animer, devient poétique. Mm-hmm. Devient poétique parce que ben, le temps est raccourci dans l'atelier, parce que on a 2h30, 3h ensemble, et les étapes dans l'atelier d'écriture, eh ben, c'est des étapes, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on arrive au sommet, on n'arrive pas tous au sommet en même temps, et généralement, ben, c'est trop court parce qu'on veut toujours bien faire, enfin, il y a plein d'obstacles à faire rapide, et qu'on joue sur la rapidité aussi pour lâcher prise sur je souhaite, avant d'écrire, savoir ce que je fais après. Voilà. C'est essayer de ne pas trop prévoir. D'accord. Il est 14h16. Avant de parler plus en détail de tout ça, je te propose de nous lancer tout de suite dans une toute première fréquence musicale, comme j'aime à l'appeler. Oui. Dans une première pause musicale que nous avons choisie à deux. Tu m'as donné l'artiste, j'ai choisi le titre. Très bien, oui. Et que nous écoutions Lily Young avec son titre Yakshi Thunderbird. Je ne sais pas si je le prononce bien. Donc on écoute ce morceau et on se retrouve juste après. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. Vous êtes de retour sur Radio Gamozo, vous êtes toujours en direct, il est 14h presque 20. Vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et sur notre site internet https://radiogamozo.radio-website.com/partout-en-France. Vous venez d'écouter Lily Young et son titre Yakshi Thunderbird et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux à Saint-Étienne-les-Remiremont de Philippe Vallet qui est là pour nous parler entre autres de la nouvelle saison de l'association La Langue de Travers. Ça va toujours ? Oui, très très bien. Parfait. Surtout après avoir entendu Lily Young, effectivement. Hein. Justement, j'allais te demander pourquoi avoir choisi d'écouter cette artiste ? D'une part, elle habite les Vosges. D'accord. Parce qu'elle habite à Luz, à côté de Saint-Dié, qu'elle est complètement ancrée dans son territoire, pour y chanter, quand elle expérimente ses concerts et quand elle travaille, elle est proposée très très régulièrement, y compris chez elle ou chez des amis, effectivement. C'est quelqu'un que je connais, on va dire, que je connais pour l'avoir rencontré sur une manifestation d'atelier d'écriture quand la langue de travers intervient sur un marché, par exemple, hein, parce qu'on a des demandes de ce type-là. Et avec des mini-ateliers qui se baladent. Et Lily n'improvise pas là, parce que c'est quelque chose qu'elle a construit pour le disque, mais c'est une grande improvisatrice où elle sait jouer avec sa voix, parce que vous avez entendu la voix qu'elle a et la maîtrise effectivement exceptionnelle, hein, parce qu'elle peut aller dans des registres très graves aussi bien qu'aigus et faire du chant mongol effectivement, que tout le monde ne peut pas aborder effectivement sans un, et de toute façon ça ne peut pas s'aborder sans un travail énorme, bien sûr, et c'est si je l'ai choisi, c'est pour le travail. Là ça peut paraître facile, et c'est facile comme l'écriture. Hein, beaucoup de jeunes aujourd'hui dans l'atelier d'écriture ont mal au poignet au bout de 5 minutes en disant ça fait mal au poignet. Hein, c'était encore dans une classe la semaine dernière avec des gamins de CE2, CM1. Et puis là, ça tourne, donc je ne peux plus écrire, donc je m'arrête. Voilà. Alors que pour faire quelque chose et quoi que ce soit, et l'écriture en fait partie, ça demande, pour être maîtrisé, au-delà d'une envie, de s'y engager et puis de le faire régulièrement pour s'entraîner. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un footing ou un marathon sans s'entraîner. Bien sûr. Et pour l'écriture, c'est exactement pareil. Surtout que dans l'écriture, il y a la partie physique de ce corps engagé dans l'écriture. Après, voilà. Et je ferai la différence entre une écriture à la main, entre guillemets, et celle au clavier, qui est plus complexe parce que là, on va agir avec les deux mains, alors que dans l'écriture calligraphique, on va dire, on n'a qu'une main, la droite ou la gauche, mais c'est centré quand même et c'est pointé dans un axe. Et c'est pour ça qu'il y a une différence, à mon sens aussi, d'écrire avec un clavier et d'écrire sur le papier. Mais l'écriture, et dans nos ateliers, on travaille aussi l'improvisation orale, parce que nous sommes persuadés que l'écrit et l'oral sont complètement liés. Et que c'est en dansant avec l'un et avec l'autre qu'on arrive à jouer sur nos compétences à créer dans le langage et avec les mots qui nous environnent, sans aller chercher des mots compliqués, mais en les prenant dans tous les sens et en les mélangeant dans tous les sens aussi. Et c'est cet aspect-là qui permet de faire un travail où tu t'ennuies pas d'une part, où ça devient ludique parce que c'est toujours différent. Et il y a un côté, au-delà du côté intellectuel de l'écriture, il y a un côté amusant à jouer et à faire, je le mets entre guillemets, du n'importe quoi. Hein, les jeunes surtout, parce que les adultes, ils vont pas le dire, ils vont pas le faire, eux. Les jeunes me posent souvent, dans les écoles, au collège et au lycée, est-ce que je peux écrire n'importe quoi ? Donc, comme si c'était possible d'écrire n'importe quoi. C'est-à-dire, quand ils disent n'importe quoi, quelque chose que je ne comprends pas. Ou qui veut rien dire. Et là, il y a tout un nœud de résistance à l'écriture qui est posé. Parce que pour moi, c'est une excuse pour ne pas écrire. Ben non, je ne vais pas écrire parce que j'écris n'importe quoi. Ou je ne vais pas écrire parce que je ne sais pas. Parce qu'on m'a toujours dit que c'était pas. Voilà. Donc il faut franchir en atelier d'écriture ce premier pas. Donc les adultes qui viennent, ils sont suffisamment sages pour que le groupe les porte. Et dans l'atelier d'écriture, c'est le groupe qui va porter les difficultés qui peuvent apparaître à différentes étapes de l'atelier d'écriture, parce qu'on n'a pas tous les mêmes contraintes, donc on n'est pas amené à rencontrer des difficultés au même moment dans un atelier. Et certaines personnes, on peut se lever parce qu'on n'est pas à l'école, on peut aller voir ce que font les autres, et parfois, moi je dis à tout le monde, levez-vous quand je sens que c'est en train de s'endormir, surtout avec des gamins. Oui. Hein, j'ai été en centre aéré à Rambervillers. Ou à Charmes, c'était plus probant encore, parce que le groupe était un peu plus grand, où quand on peut ne pas écrire autour d'une table, il faut ne pas écrire autour d'une table. Parce qu'avec les gamins, ils retrouvent la position scolaire, et là, on est à nouveau perdu, où ils vont retrouver les habitudes de, tu sais, je m'assieds dans mon fauteuil, je m'enfonce dedans, puis je croise les bras. Et puis là, après, tu peux plus les sortir, quoi. Mmh. Et enfin, il faut les réveiller à chaque fois. Donc toi, en tant qu'animateur, faut remettre de l'énergie, faut repartir. Donc ça peut être assez fatigant même, avec des groupes qui font tout le temps cet aller-retour vers je n'écoute plus l'adulte et puis je me remets dans l'activité, quoi. Et là, on voit des grosses différences entre la manière dont un enseignant, par exemple, entretient le dynamisme de sa classe. Ça se voit tout de suite. Et ça prend pas deux heures, hein. Ça prend pas deux heures, hein. Un atelier qui est bien conduit avec une classe, le premier atelier bien conduit avec une classe, les élèves doivent sortir de l'atelier en se disant « j'ai pas vu le temps passer », quoi. Mmh, oui. Normalement. D'accord. Mais, et ça arrive quand même très souvent que ça se passe comme ça. Et heureusement, hein. Et heureusement. Après, il y a des classes très difficiles, effectivement. Chose qu'on ne rencontre pas dans les ateliers de l'association Langue de Travers, ceux où tout le monde va participer. Là, c'est plus ma partie professionnelle, on va dire, hein, qui est derrière, mais qui me permet d'animer les autres aussi. Et non, avec des adultes, les adultes, ils sont, voilà, il peut y avoir des crises à l'intérieur. Parce que ce que l'on propose est tellement en dehors de ce que la personne se sent capable de faire qu'il peut y avoir de vraies résistances. Ah ben, il peut y avoir des personnes qui partent, effectivement. Hein. Ah, ça, c'est déjà vu. Ben oui. D'accord. Voilà, pour différentes raisons. Hein. Et des... Oui, oui. Ah ben oui. Ou qui explosent total, parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pleurer. Parce que effectivement, elle arrive à écrire et quand elle constate ce qu'elle écrit et puis qu'elle le relit, ben c'est quelque chose où les émotions sont portées. Ben les mots, pour ça que les mots contaminent effectivement, parce que les mots c'est de l'émotion, c'est une énergie, c'est quelque chose qui peut se partager. C'est pour ça qu'on peut parler à la radio, parce que même sans nous voir et sans être en présence, ce que je dis, la manière dont je le dis, et puis le souffle qui existe dedans ce que je dis, eh ben, va porter effectivement à la fois des émotions, à la fois l'intérêt, et à la fois le fait que moi je peux continuer à parler, et puis la personne qui m'écoute va pouvoir s'installer dans une écoute, effectivement. Mais ça, c'est relativement complexe. Et dans l'atelier, tous ces facteurs-là, ils sont mis dans le panier, là, sur la table, sans être nommés. C'est les fleurs invisibles de l'atelier. C'est la manière dont les gens s'emparent de ce que tu vas dire pour que tout le monde puisse écrire. Et parfois, c'est énigmatique. Hein, c'est pour ça que j'ai amené mon ordi, parce que je me suis dit, peut-être de lire des consignes d'atelier d'écriture peut être quelque chose qui aide. Mais en fait, il y a les consignes écrites dans l'atelier, et puis il y a ce que l'animateur va dire. C'est pas toujours la même chose, bien sûr. Hein, parce que voilà, parce que on dit pas la même chose que ce qu'on écrit. Une autre raison d'ailleurs, hein, pour écrire à l'oral. Et si j'avais une comparaison à faire, l'atelier d'écriture, ce serait plutôt un lieu pour improviser à l'écrit. Hein, t'as déjà vu, enfin, je pense que tout le monde a vu des gens qui improvisent sur scène. Oui. Hein, et puis qu'essayent de le faire, ou les musiciens, ça on le connaît parce que c'est quelque chose qui existe. Il y a beaucoup moins de personnes qui osent le faire, ça par contre. Hein, qui se lancent dans une improvisation de 10, 15, voire 20 minutes, voire plus pour certains, souvent accompagnés, mais à l'oral, c'est-à-dire ils ne savent pas ce qu'ils vont dire. Ils ont préparé, hein, ils se sont mis dans l'état de pouvoir le faire, ils ont l'habitude, ils se sont entraînés, et l'atelier est un lieu d'entraînement pour pouvoir travailler justement l'oralité. Parce que plus tes mots sont présents dans ta tête, plus ils vont venir dans la bouche, sans avoir besoin de notes, sans avoir besoin de repères, et en construisant en permanence, si tu veux, cette relation au réel, dans un dialogue permanent, comme on est en train de le faire, effectivement. Hein, où chercher ces mots font partie du théâtre, presque, hein, parce que c'est les silences qui permettent à celui qui nous écoute d'entendre ce que je dis. Mmh. Et de jouer, ben comme dans les chansons. Hein. Voilà. Mais les chansons, c'est encore beaucoup plus compliqué parce qu'il y a les instruments, il y a la voix, et on est, il n'y a pas besoin de connaître le sens de ce qu'on a entendu chez Lily Young. Il suffit juste de se laisser porter. Hein, parce que là, le physique est encore plus imprégné. Et l'atelier va jouer sur tous ces registres parce que dans l'atelier, il y a donc des étapes de convivialité, d'accueil du groupe, etc. Après, consigne, écriture, lecture. Et généralement, il y a les trois. D'accord. C'est-à-dire que chacun va lire tout ou partie du texte qu'il est en train d'écrire. D'accord. Pendant cette pause musicale, justement, quand on a écouté Lil Young, j'ai un peu regardé les messages. Et puis il y a justement Lia, notre responsable d'antenne qui nous écoute actuellement. Merci. Et puis elle bonjour à toi, Lia. Et puis elle m'a posé quelques questions à te poser. Donc, du coup, oui, c'est super, merci. Je les ai prises en photo. Donc elle me demande, est-ce que tu as des conseils pour écrire, pour laisser part à l'imagination? Redis-moi, pour faire. Est-ce que tu as des conseils pour écrire et pour laisser part à l'imagination? Voilà. Donc, on me demande assez souvent, et ça s'est passé cet été, y compris en centre aéré, hein, une gamine qui dit, oui, moi j'écris, je rêve de devenir auteur, etc. Toute petite, hein, 12-13 ans, et il faut écrire. Je vais reprendre l'image du marathon, hein. Je veux dire, le marathon, il faut en faire, point. Bien sûr. Et puis se mesurer justement à ce travail de longue haleine qui va prendre physiquement, et ben l'écriture c'est pareil. Il faut se donner rendez-vous tous les jours, quoi que la personne écrive, tous les jours il faut se donner un rendez-vous avec l'écriture. D'accord. Et c'est ça qui est difficile. C'est vraiment ça qui est difficile. C'est à la limite beaucoup plus difficile de le faire régulièrement que d'écrire. Si l'envie est là, il faut écrire. Et on écrit sur tous les sujets, il n'y a pas de mauvais sujet. Et si on n'a pas de sujet, ce n'est pas un problème. On prend un livre, on choisit des mots au hasard dans le livre, une dizaine, une quinzaine, et on écrit avec ces mots-là. Et on s'oblige à le faire. Comme un entraînement, comme si tu avais un coach qui te disait, t'écris, voilà. Tu ne connais pas les mots-là, ce n'est pas grave, joue avec, fais des phrases avec, et puis joue avec, point. Et puis après, tu gardes pas, c'est pas un problème. C'est comme on garde pas le souvenir de tous les footings qu'on fait pour s'entraîner au marathon. C'est exactement pareil. Et pour l'écriture, c'est pareil. Et s'il naît une histoire, c'est l'histoire qu'on écrit. S'il naît autre chose, accepter tout ce qui arrive. Et puis se confronter à l'atelier d'écriture, parce que c'est le lieu pour aller rencontrer d'autres personnes qui sont en accord avec toi par rapport à l'écriture et qui s'engagent physiquement pour le faire. Dans une rencontre, j'ai vu à l'entrée ou en bas, il y avait le 25 octobre un rendez-vous avec l'Union des écrivains vosgiens à la médiathèque de Remiremont. C'est l'affiche qui est en bas autour des droits de l'homme. Mm-hmm. Alors là, il y a pas de mauvais lieu pour cohabiter en écriture avec d'autres qui écrivent. D'accord. Et à valoriser d'ailleurs ce qu'on fait. Et il n'y a pas de mauvais âge non plus pour le faire. Et c'est pour moi, il faut que l'idée que l'auteur écrirait hors du bocal, dans son bocal tout sûr et tout le temps protégé. Non, l'auteur, il vit dans le monde. Mm-hmm. Et c'est parce qu'il est vivant dans le monde et qu'il le regarde, qu'il l'écoute, qu'il le lit, c'est-à-dire être grand lecteur aussi, bien sûr. Puis qu'il écrit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si vous prenez un auteur qui est bien connu parce qu'il habite du côté de Saint-Maurice, par là-haut, Pierre Pellaud, c'est tous les jours un marathon d'écriture. Tous les jours. D'accord. C'est à l'époque où moi je l'ai rencontré, donc c'était maintenant il y a assez longtemps, mais n'empêche que c'était 4-5 heures d'écriture tous les jours. 2 ou 3 heures de marche tous les jours. D'accord. Et plus le travail à côté, c'est-à-dire de documentation, etc., etc., etc., etc. On parle assez naturellement parce qu'on s'est beaucoup entraîné. Mmh, bien sûr. Prenez quelqu'un qui n'a pas parlé pendant des mois et qui s'est retrouvé, toi, en prison pendant très longtemps. S'il n'a pas parlé dans sa tête, il va avoir du mal, tu sais, même au niveau musculaire, effectivement. Il va avoir du mal au niveau des yeux, il va avoir du mal au niveau musculaire parce qu'il a bougé dans un tout petit truc et puis dès qu'il faudra faire plus d'efforts, pour l'écriture, c'est pareil. Pour notre compétence à écrire, elle s'entraîne. Donc si on veut écrire, il faut écrire. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et il n'y a pas d'autres conseils à donner, en fait. Il n'y a pas d'autre conseil à donner pour moi. C'est le faire. Alors qu'on le fasse avec un clavier, sur son ordi, si on est suffisamment souple avec. Et puis ça vient avec. Au début, je ne pouvais pas le faire. Maintenant, je peux faire les deux supports, il n'y a pas de souci. Aussi bien avec un... Et en atelier, je n'écris jamais avec un ordinateur. Même si, avec le confinement, pour ne pas perdre le lien avec le groupe... Et avec les groupes avec lesquels moi je suis en contact, donc aussi bien en Rhône-Alpes et puis en région parisienne, on a fabriqué des ateliers par vidéoconférence, quoi. D'accord. On a construit où chacun était chez lui avec sa feuille de papier, avec le matériel des fois nécessaire, avec la colle, les ciseaux, des trucs à découper ou des choses comme ça, ou des couleurs. Et puis, y en avait un ou deux qui animaient et là, là aussi, c'est intéressant parce que leur groupe se constitue malgré cet écran, malgré la distance. Ce qui m'a permis, moi, de participer à des ateliers auxquels ben, je ne peux pas aller parce qu'ils sont à 500 km dans la région de Grenoble, mm-hmm. avec des copains que moi, je rencontre uniquement dans les rencontres annuelles, quoi. Et donc moi j'ai rencontré même ceux que je rencontre jamais parce qu'ils viennent pas dans les rencontres annuelles, mais par contre on a pu réfléchir et penser parce que chaque atelier à la langue de travers est suivi d'un temps de retour sur l'atelier pour que chacun puisse à la limite déposer ses difficultés, critiquer l'atelier et donner à l'animateur l'occasion de donner les clés de l'atelier. Donc, pour l'atelier d'écriture est aussi un lieu d'apprentissage pour animer les ateliers d'écriture. D'accord. Ça doit être ça, tout en même temps, en fait. Parce que rien n'est secret. Rien ne doit être secret. Un atelier d'écriture où il y aurait des choses secrètes, c'est un atelier d'écriture qui, à la limite, avant de t'offrir une part de gâteau au chocolat, mangerait le chocolat. Oui, c'est pas... Oui, d'accord. Je vois... Donc, toi, c'est sympa. Mais il manque le meilleur. C'est ça. C'est sympa, mais il manque le meilleur. Et c'est dommage. Et là, l'objectif, vraiment, la langue de travers, c'est que tout le monde peut amener des idées d'atelier. Tout le monde peut animer des ateliers. Alors, pas forcément tout seul. Hein, mais et que ceux qui disent « Ben non, moi, j'ai pas envie, j'ai juste envie de participer. » Et il y a des personnes comme ça. Hein, soit qu'elles sont enseignantes, qu'elles le font déjà, soit pour d'autres raisons. Ça, c'est éminemment respectable, effectivement. Et on a vraiment tous les... Comment ? Ah oui, tous les portraits imaginables des personnes qui ne souhaitent pas. Donc là, je pense à Marie qui vient depuis 15 ans, mais qui n'a jamais animé un atelier d'écriture. Ou si je prends Michel et Hélène, qui eux créent des ateliers d'écriture à deux. Et lui, il était enseignant en collège, et puis il faisait de la techno. Donc toi, c'est quelqu'un qui travaille avec les mains, où chacun de ses ateliers commence par un travail technique, entre guillemets, avec de la colle, avec des trucs comme ça, et sur une idée. Et c'est comme ça que se construisent. Puis petit à petit, après, et ben, en partant d'une idée, on récolte des mots, on fabrique du texte, et puis on met le texte à côté des mots, et à côté de ce qu'on a fabriqué. Et puis, voilà, il y a des ateliers qui fabriquent des expositions en un après-midi, quoi. D'accord. Et tout est possible, effectivement, en atelier. Hein. Et on a un atelier raclette, effectivement, avec des couleurs. Un raclette, parce que c'est les raclettes, c'est de... On utilise des raclettes pour les vitres, ah oui. Pour étendre des couleurs. Voilà. Et après, dans ce mélange, eh ben, tu vas chercher des paysages, et puis tu commences à construire de la langue sur ce que tu vois. Quoi. C'est-à-dire partager son imaginaire symbolique, mm-hmm. au travers des choses qui n'ont pas été prévues, effectivement, pour ça. Mais voilà, parce qu'on devine toujours, on donne toujours du sens. Et pour revenir, hein, parce qu'il y avait une partie de l'imaginaire dans la question de l'IA, l'imaginaire, c'est comme un muscle, ça se travaille. Et donc plus tu écris, plus tu lis, plus tu construis ton imaginaire. Plus D'accord. tu l'élargis, plus tu l'agrandis, plus tu lui donnes de la force donc, mm-hmm. et de l'assurance. Parce qu'aujourd'hui, devenir auteur, c'est pas facile. Et se présenter en tant qu'ado ou plus jeune encore, alors j'y pense même pas, ça fait même rire, quoi. Et non, parce que là, c'est la chose la plus sérieuse. Hein. Les envies que l'on a à certains moments de sa vie, et surtout quand on est jeune, c'est celles-là qu'il faut que les parents portent effectivement le plus possible pour leur donner du sens. Parce que c'est là où il y a toute l'énergie pour qu'elles puissent s'exprimer, s'installer et devenir réalité. Et devenir une réalité concrète en laquelle l'enfant va pouvoir croire. Et dans l'atelier, hein, les deux jeunes qui sont venus, donc étaient pour elle en quatrième et pour l'autre en première à Neuchâteau, ben pour lui, sa vie était toute tracée, il voulait être auteur, terminé. Hein. C'était. Pouf, alors il jouait déjà de la musique, il faisait plein de choses, il était en réussite scolaire, il n'y avait pas de souci. Et pour lui, moi c'était ça. Et là, il le faisait avec un sérieux, mais tu peux même pas imaginer, quoi. Et puis la petite gamine de 4 ans, bah, elle faisait ça depuis qu'elle était petite. Donc, écrire avec des adultes ne l'a absolument pas gênée. Il n'y a même plus de différence d'âge, là. Alors que là, il y avait une mamie de 75, il n'y avait plus de différence d'âge. Parce que franchement, elle était reconnue. Et c'est ça qui porte effectivement des... Alors je ne sais pas ce qu'elle va devenir, hein, moi je n'ai plus de nouvelles. Mais c'est ça qui porte des vies presque. Hein. D'accord. Donc il est 14h40. Avant de nous intéresser encore plus à tout ça, je te propose de nous lancer directement dans une deuxième pause musicale. route. Et que nous écoutions Yann Vanek avec, j'ai choisi son titre Yann Vanek Démo, une de ses démos apparemment en jazz. Donc on écoute ce titre, on se retrouve juste après d'ici à peu près 4 minutes. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. Vous êtes de retour sur Radio Gamozo, vous êtes toujours en direct, il est 14h44, vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et même sur notre site internet https://radiogamozo.radio-website.com/partout-en-France. Vous venez d'écouter Yann Vanek avec une de ses démos et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux à Saint-Étienne-les-Remiremont de Philippe Vallet qui est là pour nous parler de la nouvelle saison et de l'association en général La Langue de Travers. Est-ce que tu passes un bon moment en notre compagnie, Philippe ? Oui, ça va encore, voilà. Parfait. Donc... Oui, tout à fait. Et merci d'offrir cette parole, et ça permet de faire un petit bilan aussi dans ma tête. Donc, c'est vrai que c'est agréable à pouvoir le faire. Donc on va poursuivre cette émission, il nous reste un quart d'heure. Voilà. Donc si vous avez été surpris, je vais revenir un tout petit peu sur Yann Vanek. Bah si. Parce qu'il est en spectacle à Saint-Nabord le 9 octobre. D'accord. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc, quelqu'un qui habite dans les Vosges, hein, du côté du Ballon de Servance, là en dessous, en Haute-Saône, et qui a toujours habité là, et qui est un musicien exceptionnel aussi, qui tente des expériences, qui improvise, qui joue avec ses instruments comme jamais on peut le jouer, et le côté chaman comme Lily Young, effectivement, où quand il commence, parfois tu ne sais pas quand ça va s'arrêter. Quoi. D'accord. Et il emmène son troupeau, on pourrait dire, de spectateurs là où il veut, effectivement, tellement il est engagé physiquement dedans. D'accord. Pour revenir, effectivement, et faire le pont avec l'atelier d'écriture, hein, parce que je me suis posé la question quand tu m'as demandé quoi proposer comme musique, mm-hmm. effectivement, et eux sont complètement dans ce qu'ils font. D'accord. Et l'animateur d'atelier d'écriture, il doit être complètement aligné, effectivement, avec ce qu'il est en train de faire dans l'atelier d'écriture pour être présent à toutes les sensibilités qui sont autour de la table, pour pouvoir, à la limite, presque improviser, c'est-à-dire arrêter ce qu'il avait prévu, ne pas aller jusqu'au bout, pour pouvoir s'adapter. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, effectivement, hein, d'être obligé, parce que je ne savais plus comment faire avec ce qui était en train de se passer là, d'improviser quelque chose, c'est-à-dire qu'au travers, voilà, comme les musiciens, on parle d'improvisation, mais on fait des improvisations avec ce que je sais parfaitement faire. Et parce que je l'ai travaillé énormément, je peux me permettre effectivement d'aller, de faire quelque chose qui est imprévu, plus qu'improvisé presque. Et comme ces musiciens, hein, ces musiciens-là jouent de la voix pour Lily et d'autres instruments, parce qu'elle joue de la musique aussi, elle s'accompagne. Et puis Yann Vanek, c'est 3-4 heures d'instruments tous les jours, voire plus. Mmh. Parce que s'il y a des musiciens à la maison, c'est toute la journée. C'est-à-dire que ça devient quelque chose de naturel, de normal. Et pour continuer à escalader chacun son Everest, entre guillemets, ou aller plus haut tout le temps, eh ben ça demande d'aller dans des zones, on l'a entendu, hein, dans la première partie, effectivement, il n'y a qu'une guitare et Yann Vanek, alors qu'on a l'impression qu'il y a batteur, qu'il y a un petit peu tout, quoi. Et parce que voilà, le mouvement est tellement rapide et comment jouer avec ça. Donc, moi, je m'entends bien avec ces personnages-là pour les avoir rencontrés parce qu'il y a on a un niveau de pratique, et moi j'ai un niveau de pratique aujourd'hui autour des ateliers d'écriture et de l'écriture en elle-même qui commence à devenir de haut niveau aussi. Donc moi j'étais dyslexique, toi, dans mon enfance. D'accord. Mais par contre, la dyslexie m'a permis de... m'a été une grosse contrainte, hein, ça c'est sûr. Et quand, on va dire, c'est révélé ma... Quand... Mais c'est au GFEN, hein, groupe français d'éducation nouvelle, dans les années 2000, où moi je participe à un stage et où, ben, alors que j'en avais pas l'habitude, hein, qu'on croit à mon texte. Hein, dans l'atelier, il faut croire au texte qui naît à ce moment-là. Et le plus gros travail de l'animateur, c'est d'accueillir tous les textes. Alors que des fois, effectivement, c'est pas ce que t'avais envie qu'ils fassent, effectivement. Hein. Des fois, toi, dans les classes, la dernière où je suis allé, c'était la semaine dernière, où t'as trois gamins qui sont en Ulysse, et puis les autres qui sont dans un quartier difficile, voilà, ça s'arrête vite. Mm-hmm. Hein, tu donnes une feuille à quatre, tu dis, il faut remplir la page, mais il y a cinq mots dessus, et puis ça s'arrête là, quoi. Et donc, toi, il faut... Comment faire la part des choses et comment ne pas montrer que parfois tu peux être déçu. Donc ça aussi, c'est un entraînement d'ailleurs. Et pareil, dans l'atelier mensuel au centre culturel à Épinal, c'est accueillir tous les textes et puis favoriser pour que ça arrive. Parce que tu vois, enfin, après, avec l'expérience, tu vois quand les personnes sont en difficulté, quand ils sont pas dans l'écriture, quand ils sont pas dans l'entraînement que tu leur proposes. Hein. Là, c'est comme voilà, l'atelier d'écriture, c'est comme un entraînement où tu te retrouverais avec le club vosgien pour aller marcher dans la montagne. Hein. C'est un petit peu pareil. Et on vient à l'atelier d'écriture pour faire un voyage avec un groupe. Voilà. Et on n'a pas de thème, hein, à la langue de travers. On a plutôt une idée. L'idée de l'espace, l'idée de qu'est-ce que c'est qu'une histoire, hein, quand est-ce que l'histoire se construit, ou est-ce que chacun de nous, chacun de nos textes est une fiction? Qu'est-ce que c'est qu'une fiction? Est-ce que ce que je dis de moi est une fiction ou est-ce que c'est la réalité? Est-ce que je sais même avec mes paroles, moi là, Philippe Vallet, aujourd'hui, traduire l'activité de la langue de travers et des ateliers d'écriture, ou est-ce que c'est seulement ce que j'en pense là maintenant, donc une fiction qui va s'arrêter là maintenant et puis qui sera pas la même chose dans une semaine, hein? J'ai pas de notes, donc forcément ce sera différent la fois d'après. Mais voilà, donc c'est pour ça que c'est toujours nouveau, même si c'est toujours un peu pareil, comme la musique, hein. Il n'y a que 9 notes dans la musique, hein. Nous, on a 24 lettres pour fabriquer tous les mots. Et oui. Donc, c'est un monde immense, effectivement, qui se trouve derrière. Et en fonction de nos intentions, en fonction de nos volontés, on voit bien, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, que les mêmes mots peuvent être utilisés dans différents registres. Bien sûr. C'est quoi la vérité aujourd'hui? On pourrait la poser, hein. Ça pourrait être un thème d'atelier d'écriture, hein. Mais aussi d'un thème d'atelier philo. Et l'atelier d'écriture, parfois, bascule vers l'atelier philo, effectivement. Mmh. Hein, parce que là, on va poser le sens des mots. Qu'est-ce que ça veut dire, effectivement, derrière ça? Ou qu'est-ce que tu as voulu dire? Tu peux nous expliquer? Ou alors relire, hein. Généralement, c'est la lecture qui va donner le sens du texte, au-delà de l'écriture. Parce que l'écriture, généralement, ça peut redemander une redisposition dans l'espace, mais surtout une écriture lente, calme et tranquille, alors que dans la dynamique de l'atelier, souvent, les textes sont un petit peu bouleversés par la peur de lire, quoi. Mm-hmm. Hein, ou ça va coincer un petit peu dans la poitrine. Et donc, ne pas faire une lecture naturelle. D'accord. Il y avait également, Liam a posé également une autre question. Justement, et que donc je te la pose, elle me demande de te demander à quel moment tu as rencontré le monde de l'écriture. J'avais 20 ans de moins, hein, c'était en 1999 à Chinon. J'avais démissionné de la Ligue de l'enseignement où je travaillais depuis 5 ans et je m'étais fait la promesse, parce que j'avais rencontré le GFN autour d'une revue qui s'appelle Dialogue, mais là 10 ans ou 15 ans avant, à laquelle j'étais abonné, et puis à lire les articles, mais il y avait surtout, hein, mais surtout l'écriture, effectivement. Je m'étais fait la promesse que quand j'aurais du temps, j'irais participer à une université d'été du secteur écriture-poésie du groupe français d'éducation nouvelle, et l'année-là, c'était à Chinon, donc j'ai fait le voyage à Chinon pour 2 jours de préparation et 3 jours d'atelier d'écriture. Il y avait 2 jours où le stage se construisait. Avec les volontaires, en fait. Et pendant cette semaine-là, j'ai co-animé, parce que on préparait les ateliers à 3 ou à 4 pendant les 2 premiers jours, et j'ai participé à mes premiers ateliers d'écriture et animé une partie d'un atelier d'écriture pendant cette semaine-là. C'était mon premier acte d'animateur d'atelier d'écriture pendant cette semaine-là, et ça m'a pris 1 an et demi pour avoir. Puis là, comme j'avais plus de boulot, je me suis dit que ça pouvait peut-être, c'était l'occasion d'essayer les ateliers d'écriture et d'en proposer. Donc il y a un lycée qui a accepté un atelier par semaine, donc au lycée Louis Lapicque. À Épinal. Et cet atelier-là a duré, ça s'est arrêté il y a 3 ans maintenant, à Lapicque. Ah oui, ça a duré quelques années quand même. Ça a duré plus de 15 ans, oui. Mmh. Hein, ou pas toutes les semaines. Au début, c'était toutes les semaines. Hein. Toutes les semaines, un atelier avec les élèves volontaires. Donc ça a duré presque 11 ans. D'accord. Et puis après, changement de programme, changement d'enfants, les téléphones, enfin plein de choses. Après, c'était difficile de réunir 5, 6, 7. Alors qu'au début, il y avait jusqu'à 15, 20 gamins. Hein, dehors des cours. Un samedi matin même. Et on trouvait, donc on réunissait tout le monde avec l'enseignante de français, on réunissait tout le monde, et puis on décidait ensemble du jour, donc ça pouvait être un mardi soir, ça a été un mercredi matin, ça a été le samedi matin. Et il y a des élèves qui revenaient le samedi matin, je me rappelle d'une Astrid, je me rappelle d'un petit Paul là, qui est revenu effectivement, et qui revenait le samedi matin pour participer à l'atelier d'écriture. Et puis voilà, puis après ça s'est arrêté parce que les gamins n'étaient plus disponibles, avaient toutes les matières où tu pouvais faire des spécialités, mm-hmm. qui se rajoutaient, donc il n'y avait plus de créneaux disponibles possibles, en fait. Et puis après, il y avait les ateliers avec les enseignants, et là aussi, petit à petit. Au début, il y avait 6-7 enseignants qui acceptaient les ateliers dans la classe. Et puis petit à petit, 4, 5, 3, 2. Et puis voilà, les 2-3 dernières années, 2-3. Hein, j'allais 2 ou 3 ou 4 fois. Mais il y avait toujours un petit peu d'argent parce qu'effectivement, c'était des ateliers financés là. Donc aujourd'hui, la langue de travers, au travers de mon expérience, parce que là je suis à la retraite, mais propose toujours des ateliers payants, entre guillemets, pour des institutions où c'est gratuit pour les participants, mais on est rémunéré. On va aller à l'école à Docelles, par exemple, on va aller à la médiathèque de Docelles, et puis là, on demande 100 euros pour animer un atelier de 3 heures dans une médiathèque. D'accord. Voilà. Donc il est 14h55, nous allons déjà devoir conclure cette émission. Est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on se quitte ? Bien sûr, oui. Téléphonez à la radio si vous voulez mon numéro de téléphone. Et puis n'hésitez pas effectivement à poser des questions et puis à rencontrer les ateliers d'écriture. Ça ouvrira des portes à votre imaginaire, même si l'imaginaire a besoin des ateliers d'écriture pour que vous puissiez ouvrir des portes. Les deux sont liés. Donc si vous avez envie d'écrire, écrivez aussi bêtement que ça et refusez toute critique. Et si vous avez peur des critiques, vous écrivez puis vous mettez à la poubelle. Mais écrivez, hein. Il n'y a qu'en écrivant qu'on devient écrivain. C'est, bien sûr. C'est normal, quoi, effectivement. Et puis allez vous ressourcer à la poésie, hein. Vous avez un bouquin si on avait eu le temps d'en lire, parce que pour moi c'est vraiment le lieu de la création en écriture, elle est chez les poètes. Parce qu'ils ont travaillé la langue au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et pour tous ceux, y compris ceux qui écrivent aujourd'hui et ceux qu'on peut rencontrer, c'est vraiment une écriture quotidienne et c'est une écriture de tout le temps, quoi, qui engage complètement la personne. Bien sûr. Oui, c'est une belle aventure, l'écriture. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Je t'en remercie une nouvelle fois, Philippe, d'avoir répondu à mon invitation. Merci à toi. Cette émission sera rediffusée demain, jeudi à 18h, avec le podcast de cette émission posté demain dans la journée. Si tu veux, je pourrais te l'envoyer par mail aussi, si tu veux la récupérer. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Guémozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. En attendant, moi, je vous laisse avec la rediffusion d'un autre programme proposé par Radio Guémozo intitulé Les Oreilles du Monde, d'ici quelques minutes à 15h. Quant à nous, nous nous retrouvons demain, jeudi, pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai dans nos locaux Stéphane de Wasabi Productions, qui nous parlera, entre autres, de l'organisation d'une conférence débat ayant pour thématique « Quel avenir pour nos forêts ?» concernant l'impact et les conséquences du dépérissement des forêts vosgiennes. Donc merci de votre fidélité à Radio Guémozo et je vous dis à demain. Donc salut et à demain.